C'est la Donc rose croix. il est dans la rose croix, en même temps il se dit prédicateur. Mais rose croix en même temps, il est prédicateur. Prédicateur. Et puis son truc là, ça lui a eu, comme ça là, au Gabon. Le Gabon, c'est avec. Et lui-même, il savait. Ce qui m'a dit que non, c'est que il était avec une personne que c'est dans le milieu pastoral qui est avec lui. Puis entre eux, ils sont unis. Hein. C'est la fraternité. Ils se soutiennent entre eux. Mais il me disait que non, il savait que quelque chose devait l'arriver. Donc, un protocole, il n'est pas entré dans les détails. Il y a un protocole qu'il n'a pas respecté. Non, il Il dit savait. qu'ils sont dans une fraternité en tant que pasteur, du coup le Voilà. pasteur, et il dit qu'il savait quelque chose de lui arriver. Voilà. Il savait ce qui devait arriver. Sais pas. Donc, c'est du genre, tu marches en route, tu sais que quelque chose va t'arriver, mais tu ne sais pas comment ça va arriver. Mais sois sûr qu'on t'a déjà avisé que soit il y aura un choc qui va t'arriver et tout. Donc, ça dit peu importe le lieu. Ça peut être dans la maison, ça peut être dehors en marchant et tout. Et lui, c'était dehors, il partait à un séminaire. En allant vers le séminaire, comme ça, en descendant de la voiture, là-bas au Gabon, frappé d'AVC. Tombé. Il m'a dit qu'il a fait une année couché au lit, c'est sa femme qui s'occupait de lui. Et là, c'est la confession quand tu sens que vraiment tu es allé dans le mauvais camp. Parce que quand tu sais le mauvais camp, t'arranges, tu ne vas pas confesser comme ça. C'est parce que aussi au niveau de sa famille aussi, les gens sont partis. Parce que la plupart de ces pasteurs-là ne sont pas proches de leur famille. Hein. Ils vivent toujours loin un peu de leur famille, Parce qu'on dans ne des les bonnes connaisse pas, maisons, parce qu'on les qu'on ne connaît. connaisse pas réellement ce qu'ils font. Voilà, ils sont toujours loin de leur famille. Et quand tu côtoies leur famille, et puis lui, il a de l'argent, mais quand tu côtoies un peu les proches, ils galèrent, ils n'ont pas d'argent et tout. Quand tu les demandes pourquoi ils galèrent, c'est pas qu'ils ne veulent pas galérer, mais ils connaissent dans quoi le monsieur est rentré maintenant. Ils ne veulent plus toucher à son, ils ne veulent plus manger son argent parce qu'ils savent que lui, il a emprunté une autre voie. Donc, tout l'argent que nous allons prendre de lui, on peut avoir des représailles. Voilà. Et voilà les représailles. Et du coup, maintenant, ils se jouent un peu des hommes un peu charitables. Genre, s'il y a des enfants dans la famille qui n'arrivent pas à aller à l'école, peuvent venir vivre chez le pasteur et tout. Mais ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Donc, déjà, concernant ça, moi, j'ai vraiment remercié le Seigneur. Moi, vraiment, je dis, ah, merci, Donc tu as Seigneur. remercié le Seigneur qu'il soit frappé de l'AVC ou quoi? Non, non, moi, je remercie le Seigneur pour ce témoignage qui me fait vivre ce statut de pasteur-là. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui sont malades, mais qui se cachent. Lui, c'est l'AVC. Il y a d'autres qui ont le sida. Les gens ne le savent pas. Ils sont en bon point, ils sont en costume bien et tout. Mais qui ne le savent pas. Et beaucoup même, quand ils voyagent, ils peuvent dire que non, moi je vais dans un. Raconte-nous ce que tu as vécu. Raconte-nous Voilà. ces choses-là, oui. Ils voyagent. Ils vont dire aux fidèles, les pauvres fidèles, que non, le pasteur va aller en séminaire en France et tout. Non, il va se faire soigner. Parce que si tu dis aux fidèles que je suis malade, alors les fidèles vont avoir peur. Oh, toi déjà, on voit comme homme de Dieu, tu es malade. Mettons, nous qui sommes malades, on vient vers toi pour trouver la solution. Du coup, c'est ça. Donc, beaucoup, ils vont mentir, séminaire à gauche, oh non, il y a campagne d'évangélisation dans tel pays et tout. Mais la plupart, c'est pour les soins, c'est pour voir les meilleurs médecins. Il a un problème et tout. Mais la plupart des gens rencontrent que ces maladies-là, c'est le feu étranger. Ces maladies-là, ce n'est pas normal. Ces maladies-là, ce sont des feux étrangers. Ce sont des feux étrangers. C'est un joug. Tu prospères, tu as l'argent, tu as une grande église, tu as des fidèles, mais tu as un joug en toi. Et il prêche la Bible. Et il prêche la Bible. Il prêche la Bible. Donc, si tu ne lis pas, tu peux même lire, mais ils ont des dominations. Ils touchent vraiment à des trucs qui ne sont pas bien. Des trucs qui ne sont pas bien. Donc, si l'Éternel n'est pas avec toi, même si tu arrives, tu lis avec toi le même verset, il comprend que ce n'est pas biblique, bah, il va Va t'avoir. t'amadouer, il va t'avoir, il va t'avoir. Non, ça, il va t'avoir avec les principes de peur. Non, la Bible déclare, ne touche pas à mon oint. Il dit que non, ce n'est pas n'importe qui est oint de l'Éternel. Ce n'est pas parce que tu es serviteur de Dieu que tu es oint de l'Éternel. Mais Ça doit se vérifier. est-ce que sur cette base-là, il est serviteur de Dieu? Non. Sur cette base-là, ils ne sont pas serviteurs de Dieu. Sur cette base-là, ils ne sont pas serviteurs de Dieu. C'est, moi, je vois ça comme c'est une entreprise familiale. C'est une entreprise familiale où le pasteur, il est pasteur, et puis il fait pasteur aussi sa femme, et puis c'est des enfants qui vont. Parce que la plupart de ces pasteurs-là, la plupart de ces enfants qui sont dans la même église sont bien positionnés. Soit c'est la fille qui est responsable, je ne sais pas, de la collecte ou bien de la chorale. Il y a toujours un poste pour placer les enfants dans des bonnes conditions, Stratégiquement. stratégiquement et tout. Et puis l'évolution même dans le corps du Christ, leur soi-disant corps du Christ dont ils ont parlé,

Mais ils travaillent, hein, frère Junior. Ils sont en harmonie avec les francs-maçons. Oui. Chacun dans son département. Oui. Chacun dans son département. Il y a des francs-maçons, ils sont dans le domaine. Dans une maison commune, chambre à chambre. Voilà, la même maison, chacun a sa chambre. Mmh. Ils se regroupent au salon maintenant pour faire leur réunion. Oui. Voilà. Voilà. Parce qu'ils sont tous, ils ont toutes ces informations-là. Mmh. Ils ont tous. Parce que quand tu vois même, souvent, certains serviteurs, soi-disant serviteurs, qui disent que non, le pays va faire ceci. La plupart, il y a d'autres que l'Éternel les révèle, mmh. que voici ce qui va y avoir dans ce pays. Mmh. Mais la plupart, c'est parce qu'ils parlent avec les dirigeants du pays. Mmh. Ils viennent vous dire ça dans l'église. Ils disent, ah, dans le pastorat, vraiment, il y a de grandes révélations. Mmh. Alors, il faut faire très attention, frère Junior. C'est terrible, c'est mmh. terrible, parce que c'est comme si... C'est difficile. Mes frères et sœurs qui sont dans ces choses, surtout le pain, vraiment, mes frères et sœurs qui n'arrivent pas à sortir, vraiment que l'Éternel vous aide à sortir de là. Mm. Si tu cherches vraiment, tu cherches Dieu de tout ton cœur, pour ta vie, pour ton avenir, pour ton salut, mm. où tu vas passer l'éternité, que l'Éternel vraiment te dise où tu dois partir. Mm. Comme lui m'a dit, sortez au milieu d'elle, je vous accueille. L'Éternel va t'accueillir. Mm. Sors, n'aie pas peur de qui va l'Éternel va t'accueillir. Mm. Il a dit qu'il va t'accueillir. Il n'a pas dit que sortez, je vais vous abandonner. Mm. Sortez, je vais vous accueillir. C'est lui le bon berger. Mm. C'est lui le bon berger. C'est lui le bon berger. C'est lui le bon donc, berger. Donc l'éclaireur est venu. Quelle était la raison? L'éclaireur vient. Quand l'éclaireur vient maintenant, il se méfie de l'éclaireur. C'est là maintenant, moi je vois maintenant le film là où il y a méfiance entre les pasteurs. Oui. L'éclaireur. Là, maintenant, c'est la méfiance pastorale. Tu as d'abord dit que jalousie pastorale. Jalousie pastorale, maintenant, méfiance pastorale. Le pasteur vient. Coup bas pastoral. Coup bas pastoral. Le pasteur vient pour voir le patient. Il voit le patient. Il se rend compte que le patient est critique. Mm. Maintenant. Là, quand c'est critique, tu peux t'échapper. Hein? Mm. Parce que le patient est arrivé à un niveau, frère Junior, d'aller mettre dans la salle de réanimation. Tu vois où ça a commencé? Mm. D'AVC, de cailloux, des trucs de sida. Tu sais, comment ça était dans la salle de réanimation? Tu ne peux pas surgir un coup comme ça. Mmh. Même le sida ne tue pas un coup. Mmh. Le sida est un processus mmh. de destruction. Mais comment ça t'arrive maintenant cette réanimation? Où tu arrives au point où mettons... Alors qu'il a de l'argent, pas quelqu'un qui est pauvre. Tu as, frère Junior, mmh. j'ai reçu pasteur qui est pauvre, pasteur qui a de l'argent. Mmh. Maintenant, l'État dit que non, tu as vu, qu'est-ce que tu en dis maintenant? Mmh. Tu as crié à plein gosier. Mmh. De pasteur pauvre à pasteur qui a de l'argent. J'ai reçu tous les types et tu as vu comment c'est. Les types. Elle dit que non, c'est Dieu qui guérit, frère Junior. C'est pas l'argent. Mm. L'argent est là, frère Junior, mais tu n'arrives pas à te rétablir. L'argent est là. Il n'y a pas qu'on raconte. L'argent est là. Oui. L'argent est là. Les millions sont là. Oui. Guéris maintenant. Tu prends le vrai Dieu. Guéris maintenant. Voilà. Tu es dans la meilleure clinique. L'argent est là. Guéris maintenant. Tu prends le vrai Dieu. Voilà. Non, mais toi, je ne sais pas, je raconte, je vois. Mais est-ce que là-bas, dans cette clinique, on savait que c'était les pasteurs? Non. Non. Et, qu'est-ce qu'ils vont et ça, c'est la clinique musulmane. Oui. Les cliniques dirigées par les musulmans. Oui, sont le Maroc. Sont oui. Les musulmans. Maintenant, mmh. et là où la femme maintenant, du pasteur fait comprendre aux cliniques, non, si ce pasteur-là vous demande qu'est-ce que l'autre-là souffre, ne dites pas. Ne lui dites pas, dites que c'est confidentiel. Oui. Comment ça? Mmh. Donc vous dites, ah, tu es mon frère chrétien, tu es ma soeur chrétienne. Non, c'est l'hypocrisie, frère Junior. Oui. C'est l'hypocrisie. Mmh. À un moment donné, moi, frère Junior, j'avais plus peur des chrétiens que des personnes du monde. Parce qu'une personne du monde me montre sa position. Oui. Un féticheur montre sa position qu'il est dans le fétichisme. Oui. Une femme du monde, si elle fait la prostitution, elle te montre que si tu n'as pas l'argent, ne viens pas chez elle. Oui. Un frère du monde, lui, si dans ces fausses choses-là, il te montre sa position. Oui. Mais ça fait mal quand c'est un chrétien. Qui prend l'enveloppe de la chrétienté, mmh. un fois qu'il passe par le Seigneur Jésus, mmh. et tu apprends que derrière la personne fait ses choses, ça fait mal, frère Junior. Ça fait mal. Ça fait mal, frère Junior, ça fait mal. C'est comme un enfant qui souffre d'une maladie. Papa, maman, sait pourquoi l'enfant souffre de cette maladie. Mmh. Ils ne disent pas à l'enfant. Mmh. L'enfant grandit avec ses insultes, on se moque de lui, avec ses privations. Mmh. Et jusqu'au point, le papa avant de mourir, la maman avant de mourir, a fait maintenant comprendre à l'enfant que non, ce jour-là, c'était nous qui étions à l'origine. Comment tu vas te sentir, frère Junior? Et souvent même, le papa même va t'amener même à l'hôpital, on va te faire voyager. Alors que c'est eux le problème. C'est eux-mêmes, ils savent même ce qui t'arrive, ils savent l'origine de ça. Mais ça fait mal, frère Junior, ça fait mal. Mmh. Ça fait mal, frère Junior. Mmh. Ça fait mal, frère Junior. Et quand ça vient maintenant, c'est... devenu difficile. Oui. Et un jour comme ça là,